Chapitre 14. La seconde tombe. Vers le soir, avant la fermeture des portes, un homme, jeune encore, très élégamment vêtu, pénétrait dans le cimetière Montmartre, porteur d'un bouquet de fleurs, et venait pleurer sur une tombe, jusqu'au moment où les gardiens faisaient leur ronde, le priaient de se retirer. C'était Gaston Soclet, dont la douleur très vive venait apporter à la chair disparue le seul hommage que la mort permette, des fleurs, des pleurs. Il s'arracha avec peine à cette tombe, essuyant ensuite ses yeux avec soin, puis sortant du cimetière après avoir regardé dans l'avenue Rachel, il s'éloignait, comme s'il avait peur d'être surpris, comme s'il craignait qu'on ne l'aperçût en cet endroit et qu'on le vît dans sa peine. Il faisait quelques pas sur le boulevard de Clichy, et quand il croyait que les traces de ses larmes étaient suffisamment passées, il entrait au Café Galant où l'attendait son ami Amblard. Ces jours-ci, le manège de Gaston Soclet fut dès le début suivi par l'amorce, qui fit part de tout cela à son chef. « Bon, dit Paulin Broquet, celui-là, comme ce pauvre bougre de terreur d'Ordano, est sincère. Il aime, il a du cœur. On peut faire quelque chose avec lui. » Paulin Broquet avait obtenu des renseignements sur ce Gaston Soclet. Ils étaient, selon le point où l'on se plaçait pour les examiner, ou bons, ou, suivant la morale ordinaire, détestables. Détestable parce que Gaston Soclet avait de grands besoins d'argent, et que, pour y faire face, il employait toutes sortes de moyens, spéculations douteuses, paris aux courses, jeux dans les cercles, et, ajoutait Paulin, affiliation aux aides. Mais cet argent était pour la maîtresse qu'il adorait, Carmen D'Amata, à qui il en fallait beaucoup. Pour elle, Gaston Soclet, très amoureux, était prêt à toutes les compromissions, à tous les hasards, à toutes les mauvaises actions. Pour elle, il était devenu la proie de Zigomard. Mais ce grand amour de Gaston Soclet pour sa maîtresse ne pouvait lui avoir permis de céder au désir de Zigomard et de l'autoriser à mutiler si odieusement celle qu'il adorait. Cela était de toute impossibilité. Donc, il fallait admettre ici que l'on marchait peut-être sur une fausse piste, que les tuyaux de ce brave fusil, tout en paraissant excellents, jetaient dans l'erreur. Il fallait supposer que Carmen D'Amata reposait entière et non défigurée dans son cercueil. « Il y a bien, dit Paulin Broquet à ses hommes, il y a bien l'évanouissement de ce pauvre amant et les quelques heures où il a dormi si lourdement après qu'on eût mis sa bien-aimée dans le cercueil. Zigomard s'entend admirablement à endormir les gens. Zigomard a pu profiter de ces heures pour faire son horrible coup. C'est possible. À moins encore que ce ne soit pas la tête de Carmen D'Amata. » Dans ce cas, la terreur d'Ornano et son copain la Quiche disent peut-être la vérité. Mais nous savons que Paulin Broquet n'était pas homme à dormir devant un problème, et qu'il n'aimait pas à perdre son temps à retourner en tous sens des probabilités, des suppositions, pour n'arriver à aucun résultat certain, à aucune solution pratique et réelle. Le meilleur moyen de savoir, disait-il souvent, est d'aller voir. C'est ce que cette fois-ci il fit encore. Muni d'une autorisation spéciale, Paulin Broquet envoya des hommes à lui, dès la fermeture des portes du cimetière, établir un cordon de surveillance autour du carré dans lequel se trouvait la tombe où dormait Carmen D'Amata. La nuit venue, ces hommes commencèrent le décèlement de la pierre pour sortir le cercueil. Le silence des cimetières est toujours impressionnant. La nuit, il porte vraiment l'imagination à l'évocation du mystère. Mais ce silence religieux n'est pas le lot du cimetière de Montmartre. Les morts y doivent mal dormir. Montmartre est si bruyant, si vivant, que sa voix joyeuse, sa vie, ne peuvent s'arrêter même devant ce champ de repos éternel. Cela forme un contraste bizarre. L'impression qu'on ressent dans ce cimetière situé en pleine ville est toute spéciale. Elle est sinon plus angoissante, du moins plus caractéristique, plus poignante. Être avec les morts et entendre les vivants. Il arrive là les bruits d'océan de la ville immense, que perce le timbre fêlé des tramways, les trompes nasillardes des automobiles, le roulement des pieds des chevaux, et parfois un cri d'homme en fête ou, se perdant dans les branches des cyprès, dans lesquelles, durant le jour, des oiseaux chantaient, l'écho amoindri d'une chanson de jeune femme. Dans le cimetière, la nuit profonde venue, les hommes de Paulin Broquet achevaient leur lugubre tâche, s'éclairant seulement d'une lanterne à verre bleu qu'un large abat-jour surmontait afin de jeter la clarté à terre, de maintenir les rayons à l'endroit seulement où l'on travaillait. Ainsi de loin, des maisons voisines dont les croisées donnaient sur le cimetière, on ne pouvait rien voir, ni soupçonné de la lugubre besogne qui se faisait là. Cette lumière, d'ailleurs, suffisait grandement aux travailleurs pour accomplir leur tâche. Quand Paulin Broquet arriva vers minuit, le cercueil était hors de la tombe et on commençait à dévisser le couvercle. Les vis s'enlevaient, les hommes que dirigeait Gabriel s'écartèrent respectueusement, laissant le chef, comme il l'avait demandé, soulever lui-même le couvercle. Paulin Broquet procéda pieusement à cette dernière opération. Il rabattit le couvercle de chêne. Le cadavre apparut long et mince dans son suaire blanc, un rameau de fleurs dans les mains jointes. Il y avait un oreiller de dentelle précieuse, et sur cet oreiller se trouvait une tête. Sous le suaire fin, on devinait le dessin du nez, du front, du menton. Paulin Broquet, Gabriel, Lamorce se penchèrent avec émotion. Le détective prit la lampe à rayons bleus. Il l'éleva pour mieux voir. Oui, dans ce cercueil, sur l'oreiller, il y avait une tête. Une tête se trouvait avec le corps de Carmen D'Amata. Mais Paulin Broquet ne se contentait pas des apparences. Il se méfiait, nous l'avons vu à la morgue, des illusions causées par le premier coup d'œil. Et de même qu'il avait voulu acquérir la certitude que la tête mutilée qu'il examinait sur la sinistre table de marbre était ou n'était pas celle de la femme rousse, de même ici, il voulut s'assurer que cette tête était bien celle de Carmen D'Amata. Doucement, comme s'il craignait de réveiller la morte, la dormeuse éternelle, il souleva le suaire. « Tiens-moi ça, » dit-il à Lamorce en lui passant la lampe. Alors, il mit ses deux mains dans le cercueil et il retira des plis du suaire une tête en plâtre attachée adroitement au corps décapité. La profanation était évidente, Zygomar était encore passé par là. Peu après, en portant cette pièce à conviction, il faisait refermer la tombe. Mais le cercueil, dans un fourgon spécial, partait pour la morgue où le corps de la malheureuse Carmen D'Amata devait être conservé pour les confrontations futures. « Maintenant, mes amis, » dit le détective à ses lieutenants, « allons voir notre ami la terreur d'Ornano et son copain la Quiche. Allons voir ce singulier corps qu'on doit nous montrer dans la cave du quai de la Loire. » Il ajouta en souriant, « ce corps séparé d'une tête qui ne lui appartenait pas. » Paulin Broquet, depuis son aventure du grenier de Zulma, où son audace, disons-le, son inqualifiable imprudence avait failli lui coûter si cher, ne s'engageait plus à la légère et ne comptait plus autant sur son courage, sur sa force, sur son habileté. Avec des adversaires de la valeur de Zygomar, il fallait jouer de plus en plus serré et ne rien laisser au hasard. D'autant plus qu'il était cette fois plus que jamais à prévoir que Zygomar, plusieurs fois battu par Paulin Broquet, tiendrait à prendre une revanche éclatante aujourd'hui. Et ce moyen extrême d'amorcer, si l'on peut dire ainsi, son rival, de l'attirer à la poursuite d'une chimère, par le mensonge de cette tête coupée, donnait à penser que l'affaire serait chaude, que l'embuscade dans laquelle on voulait faire tomber le détective devait avoir été admirablement préparée. C'était un des suprêmes coups de la lutte entre la justice et son auxiliaire précieux, Paulin Broquet et le roi du crime, le maître invisible, le terrible Zygomar. Dans l'après-midi, Paulin Broquet, sous divers déguisements, était allé reconnaître les lieux, le terrain où la partie allait se jouer. Il avait placé des hommes qui, bien stylés, merveilleusement disciplinés et entraînés, connaissaient leur emploi et exécuteraient à la lettre la consigne. Depuis minuit, ils se tenaient prêts à tout événement. Chemin faisant, Paulin Broquet les rencontrait par petits groupes ou s'en allant isolés, mais sans cesse se tenant en rapport, ne se perdant pas de vue, pouvant accourir au premier signal, prêts à se prêter main forte, à venir au secours. Ils allaient comme vont ces individus qui semblent ne vivre que la nuit, mal vêtus, sans linge, une cravate voyante au cou, portant des chaussons ou des gros souliers, et coiffés de chapeaux mous informes, surtout de casquettes crasseuses dont ils rabattent la visière pour cacher leurs yeux mauvais et faux. Air misérable parfois, le plus souvent fainéant et vicieux, qui vivent sans logis et sont sans cesse en quête du mauvais coup à faire, errant dans les rues, passant à l'ombre des murs, les mains au fond de la poche, caressant le couteau. Fleurs de vis, graines de bagne, fruits de guillotine. Paulin Broquet, pour reconnaître ses hommes sous ses vêtements, avec ses allures, avait adopté un geste, comme les aides avaient le leur, que nous connaissons. Mais si les aides conservèrent leur signe symbolique de reconnaissance, Paulin Broquet, à chaque expédition, changeait et le signe et le mot de passe. Ainsi, pas de trahison possible, pas de surprise. Ce soir, le signe de ralliement était très simple et même très vulgaire, mais bien dans le caractère du costume adopté du personnage qu'on jouait. Il consistait à taper deux fois du pied droit sur le sol, puis à frotter son soulier à terre comme si un clou ou un caillou s'était pris dans la semelle, puis à frapper une dernière fois à terre et à continuer la marche. Un seul devait faire ce geste par groupe. À la rencontre de deux groupes, le geste esquissé et compris s'arrêtait aussitôt afin de ne pas le prodiguer, de ne pas le rendre facile à deviner. Par contre, les broquets devaient répondre aux signes en Z des zygomares quand ils croiseraient des compagnons du maître invisible. Mais si on leur disait comme autrefois à la vie, ils devaient bien se garder de répondre à la mort. Zygomar avait aussi modifié son mot de passe. Par un hasard heureux, l'amorce, qui guettait dans les environs, avait surpris ce mot. Les zygomares disaient « à la vie », mais ceux qui devaient répondre, au lieu de dire « à la mort », répétaient « à la vie ». Les deux groupes ensemble disaient « Ramogiz ». Ramogiz, le nom de l'illustre et immortelle tribu des Romanichels, dont le grand Zygomar se prétendait le chef. Puis, il faisait le signe du Z avec la main. Naturellement, l'amorce essaya à diverses reprises ce mot de passe. Il voulait se rendre compte de sa valeur et savoir s'il ne pouvait pas s'être induit en erreur. Non, c'était bien cela. Alors il le fit connaître au broquet. Car, comme les hommes de Paulin Broquet, les compagnons de Zygomar se faufilaient ce soir par groupe dans les environs du quai de la Loire, près du bassin de la Villette, prêts aussi à livrer la grande bataille. Les aides étaient assez nombreux. On sentait que l'opération était bien machinée. Zygomar avait tout préparé pour la réussite, qui devait rendre tout son éclat à sa gloire chancelante. La partie engagée était forte. Zygomar jouait gros jeu. Ce soir, peut-être, il triompherait. Demain, sur Paris atterré, épouvanté, resplendirait le fameux Z sanglant, tracé alors avec le sang de Paulin Broquet. Naturellement, Paulin Broquet n'eut pas l'air de remarquer quoi que ce soit d'anormal. Ses hommes étaient cachés, les aides d'eux-mêmes. Lui, il ne devait rien voir. Il donna bien l'impression d'un homme allant franchement, correctement et ne se doutant pas, ne pouvant admettre que Zygomar fût pour rien dans cette nouvelle aventure, qui, voulait-il faire croire, à ses yeux ne sortait pas de l'aventure policière habituelle. Paulin Broquet, qui, pris par Zygomar, qui tombait dans les mains de son ennemi, avait assez bien joué la comédie dans le grenier de Zulma pour arriver à ébranler la conviction du tribunal des aides, devait cette fois mieux encore tenir son rôle. Il ne prit aucun déguisement, pas plus que l'amorce et Gabriel qui l'accompagnaient. Ils portaient tous trois leur costume de ville ordinaire. Paulin Broquet était en veston, mais avait passé un par-dessus de couleur grise assez voyante. Il était coiffé d'un chapeau melon et il fumait une cigarette comme toujours. Paulin Broquet, très ostensiblement donc, descendit d'un fiacre avec ses deux lieutenants sur le quai de la Loire. Ce quai, un de ceux bordant le canal Saint-Martin, est des plus pittoresques, des plus achalandés. Il est sans cesse encombré par des marchandises diverses qu'incessamment apportent là et viennent y charger les énormes chalands qui passent dans le canal. Ce sont surtout des pierres de construction, des briques, des poutres de fer, des sacs de plâtre et de ciment. Ce sont aussi, un peu plus loin, des monceaux de peau brute qui vont s'engouffrer dans les vastes entrepôts de cuir dont le quartier voisin est le centre. Dans la journée, ces quais sont pleins de monde, mariniers, débardeurs, chargeurs, camionneurs. C'est une cohue d'hommes, de travailleurs, un encombrement de marchandises, de voitures, de chevaux. Tout cela remué et remuant, poussé, enlevé, parmi des cris, des jurons, un tapage épouvantable et une poussière opaque. Mais la nuit venue, par un contraste frappant, c'est le calme, le silence, le désert. Les travailleurs, voitures, camions, tout a disparu comme par enchantement. Les grues de charge ont cessé leur grincement de ferraille. Elles ne sifflent plus, ne fument plus. Les bâches sont mises sur les montagnes de sacs de plâtre et de ciment. Il ne reste plus personne que les douaniers qui se reposent dans leurs guérites. Donc, sur le quai noir, désert, mal éclairé, Paulin Broquet fit quelques pas, cherchant du regard ceux à qui il avait donné rendez-vous. À vrai dire, sachant que Zygomar avait préparé un coup, sachant parfaitement que la fable du cadavre sans tête enterré dans une cave n'était qu'un prétexte afin de l'attirer en cet endroit, d'ailleurs admirablement choisi pour un mauvais coup, il ne se doutait pas encore du genre d'attaque qu'il allait affronter. Cela le laissait au demeurant absolument calme, mais il n'en restait pas moins sur ses gardes. Aussi, par prudence, ne s'aventurait-il qu'au milieu de la large chaussée, entre le trottoir que bordaient les maisons, les hangars et le quai proprement dit, qu'encombraient tant de matériaux divers, derrière lesquels les aides pouvaient facilement trouver un abri pour fondre à l'improviste sur leur ennemi. À cette distance, à moins de recevoir un coup de revolver ou une bombe, une boîte à mitraille, les aides n'étaient-ils pas capables de tout pour en finir avec lui? Paulin Broquet savait qu'il aurait le temps de parer toute attaque. Enfin, la terreur d'Ornano parut, sortant de la ruelle sombre formée par deux montagnes de matériaux.